les échangeurs d'air avec vous jusqu'à 21h30. Nous avons changé un peu le créneau horaire. Nous commençons 20h et nous allons jusqu'à 21h30. Michel Marcoux est au microphone, ça c'est moi. Et Jean-Philippe Boisbriand est à la console, au choix musical et à toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, on fait un peu comme d'habitude, une émission éclectique. Oui, mais quand même... avec un thème fort pour commencer, de la musique de film avec plein d'Italiens, puis aussi des Allemands. Ensuite, on s'en va d'un bloc que je ne saurais décrire, puisqu'il y a du Negative Land pour commencer, et ça se termine par Antenna. Et dernier bloc avec John Baker, et qui se termine par The Android Sisters. Donc, tout cela risque d'être bien chouette, et on commence là. Thank you. Exhibitionist. Oh, my sweet gangster. pendant que la petite musique de nuit joue. Je vais vous dire ce qui a joué pendant le premier bloc de notre toute nouvelle saison. Alors, Nino Rota a commencé avec la bande originale du film Casanova de Federico Fellini, avec qui il a travaillé régulièrement. Il marque 4, ça se dit en italien normalement, la pièce Mon Plein Mille, en fait sur l'album le film Mon Plein Mille, la pièce Wonder. Eux, c'est un groupe de studio, alors qui ont joué avec, qui ont fait de la musique avec Ennio Morricone, ils ont joué avec d'autres personnes comme ça. C'est eux qui faisaient des petits trucs plus électriques. Oscar Sala nous faisait Der Fluch der Gelben Schlange. Sur Criminal Film Music numéro 4, un album paru en 2000. Oscar Sala, c'est un type aussi qui a inventé un instrument qui s'appelle le trautonium. Le trautonium, allez voir ce mot, vous verrez un trautonium. Orchester Werner Müller nous faisait Bodybuilding et c'était suivi de Rolf Willem, Criminal Film Music numéro 4 encore, Scotland Yard contre le docteur Mabuse. Et on est passé à Piero Umiliani qui nous faisait photomodèle sur la bande originale du film Svezia Inferno et Paradiso. Ensuite, nous sommes passés à Bruno Nicolai qui nous faisait sur le film qui s'appelle Agent spécial Elka, un film de Jess Franco, Gold Glasses and Escape from the Base et Death of the Gold Glasses. Lui faisait... est-ce que c'est lui? Umiliani, excusez-moi, j'en étais rendu à Bruno Nicolai, oui, qui faisait un genre qui s'appelle le giallo. Le giallo, qui est le genre de film de fiction, puis des thrillers italiens, qu'on appelle des giallo, et c'est la spécialité de notre ami Nicolai. On a aussi eu Gert Wilden, un orchestra, qui nous faisait... Swinging Teams from Thrilling German Crime Films, la pièce Fu Manchu, ben, c'est évidemment le thème de Fu Manchu. Puis Carlos Der Hammer nous faisait Der Todesstrahlen des Dr. Mabuse, 8. 8, mais j'aime beaucoup les titres que Jean-Philippe a mis pour certains. Alors dit Todesstrahlen des Dr. Mabuse. Alors, pour tous ceux qui parlent allemand ou qui ont une connaissance moyenne de l'allemand, sauront que ma prononciation est relativement mauvaise. Relativement mauvaise. Et là, il faut que je fasse attention parce qu'on commence à avoir de plus en plus d'Allemands dans la famille. Alors, Hans Funk nous faisait sur toujours Criminal Film Music numéro 4, dit Tottenhagen von London. Puis, c'était notre premier bloc. Il y a des personnes intéressantes là-dedans. Si je vous conseille quand même d'aller regarder un petit peu la biographie de Nino Rota. Puis, il y a une jolie photo de lui en train de jouer du piano, parce que, évidemment, il jouait du piano aussi. Il a fait de la musique originale pour 170 films. À peu près, ce qui est à peu près 10 fois moins que New Morricone. Donc, New Morricone, je me souviens pas, maintenant, on avait fait le décompte, c'était plus de 500. Ça, c'était vraiment... Il a composé des symphonies. Il a fait un oratorio lorsqu'il avait l'âge de 12 ans. Alors, vous voyez, c'est le genre de personnage. Oscar Sala aussi, allez voir ces trucs, et allez voir surtout le Trattorium. Thank you. Pepsi Cola are with you. I got fire by my bones. Pepsi. Have to look great for Pepsi Cola. Lord. And I nailed Jesus to the cross. Pepsi. In the cupboard for 3 years. Gonna make your soul last forever. Alcoholic husbands driving frantic wives to tears. Can't sell you any artificial sweetener. Poor old widow's house burned down. Pepsi. Of the soft drink world, get the goddamn company to pay the bill. Tractors plowing down the hill. Pepsi. Kids are cast this stench of puppy mill. Pepsi. I feel like a Pepsi. She's with stinking urine. You know it's hot feet. Bloody shards of glass. The mighty puppy. Mud flaps burned by fighting dogs. Drunkards passing gas. And we'll see how much you sell. Children dying of disease. Pepsi. Pepsi was my power. I can use it in any way I want. Leading helpless teens astray. Pepsi. Pepsi. Yeah. And I can't find the strength to say Pepsi. Medicated ointment being spread on painful rags. Pick it up, drink it up. Old outdated software getting thrown into the trash. Up on grippin'. Everything still tastes the same. Pepsi. Thank you. sentier pour lui échapper. Mais on ne peut pas fuir la colère des imbéciles. J'ai dû à en perdre la tête. J'ai abusé des somnifères. La colère des imbéciles m'empêche de dormir. Flamme les campagnes, elle a gagné les montagnes, elle se répand dans les villes, la colère des imbéciles qui s'exhibe sur la place publique en ce jour de printemps. Poisonne ma rêve. Je sais qu'elle me guette, car je suis la prochaine cible de la colère des imbéciles. Yes. voilà, c'était notre deuxième bloc. On a changé de thème par rapport au premier. Vous avez pu vous en rendre compte. Negative Land and the 180Gs nous faisaient greatest taste around. Les 180GS de 180Gs reprennent des trucs a cappella comme ça de différents artistes. Et cette fois-ci, c'était Negative Land. Negative Land qui sont assez drôles de groupe formé en 79 à Berkeley. Puis on retrouvait Mark Osler, Richard Lyons et Chris Gigg avec Don Joyce et David Mills. Puis un autre qui s'appelait Peter Conham. Puis c'est assez... ils ont une petite tendance à être... comment je pourrais dire... révolutionnaire. Voilà, révolutionnaire. Comment ça s'appelait? Le panneau réclame habilement retravaillé incite le spectateur à examiner la stratégie commerciale originale. C'est ça, mais c'est ça. Ils ont fait toutes sortes de trucs fort intéressants. Alors, allez voir leur histoire à eux aussi, ça vaut la peine. Mr. Airplane Man de Lost Tapes, un truc de 2014, nous faisait la pièce Sun Going Down. Mr. Airplane, c'est deux dames. Margaret Garrett, j'aime beaucoup Margaret Garrett, et Tara McManus, qui en fait se sont connues à l'âge de 10 ans. Ensuite, elles se sont perdues de vue. Puis, elles se sont à nouveau réunies pour faire plein de musique ensemble. Alors, puis elles ont travaillé beaucoup avec un monsieur qui s'appelle Mark Sandman, aussi, qui est un compositeur... un inventeur d'instruments aussi, un autre qui a fait toutes sortes de choses. Puis ils ont une petite discographie. C'est ça, donc il y avait ce qu'on a entendu de Lost Tapes. Il y avait en 1998 Mr. Airplane Man. Puis il y a quelques LP, et un EP aussi. Alors une petite discographie, mais fort intéressante. Holden nous faisait l'arrière sur l'arrière-monde de 1998. La pièce La colère des imbéciles. C'est drôle, ça. C'est tellement d'actualité. Je pense que Jean-Philippe a fait exprès. Groupe de pop-rock français, originaire de Paris. Alors, Dominique Després, qui s'appelle Moquet, et Armel Pioline. Puis, il existe quand même depuis 97, puis il continue. Encore. Puis on, alors nous on en a mis, c'est quelque chose qu'on a mis souvent, Holden, c'est des habitués de l'émission, savent qu'ils font partie de nos préférés. Ensuite on est allé vers Snatch. Alors Snatch, c'est 1983, All I Want. Là on parle bien du groupe Snatch, d'accord, parce que il y a toutes différentes choses. Il y a le film Snatch, entre autres, qui est vraiment que j'ai beaucoup apprécié. Particulièrement, d'ailleurs, notre Brad Pitt, qui, avec son accent anglais gitan, qui est vraiment, vraiment terrible. Puis, dans le Snatch, on retrouve Patty Paladine et Judy Nylon. Les deux sont partis de New York, comme on dit, puis en 1974 environ, sont allés là où ça se passait pas mal. À Londres, c'est ça. Julien Nylon est allé en 70, puis Patty Paladine plus vers 74, me semble-t-il. Puis Julien Nylon a travaillé avec des en fait, on parle d'elle dans la chanson de Brian Eno, Back in Judy's Jungle. Aussi, alors faut aller voir elle aussi son Wikipédia. C'est une artiste multidimensionnelle et aussi multi-talentueuse, on pourrait dire facilement ça. Où est-ce que j'en étais? Ah voilà, on est dans le courriel ici, voilà. Et on a continué avec Sukiya, Contacto Espacial con el Tercer Sexo, de 1996, Feeling Free. Là, Sukiya, si vous allez voir, vous allez trouver un film italien aussi des années 70, il me semble. Je pense que oui, c'est ça. Je me demande de quelle année était ce film. Bon, je retrouverai ça à un moment donné. Puis celui qui est à la base de ce groupe-là, c'est Russ Harris. Alors ceux qui ont suivi La Petite Maison dans la Prairie et ou Chips reconnaîtront cet acteur qui était acteur lorsqu'il était enfant. C'est ça, puis qui s'est lancé ensuite bon dans la musique. Je ne sais pas ce qu'il fait maintenant. Ross Harris, on se demande. Hein. Je pense qu'il y a pas. Je pense qu'il est toujours acteur, musicien et tout ça. Puis Sukiya, donc c'est un truc qu'on a mis souvent et on aime beaucoup le titre Contacto Espacial con el Tercer Sexo. Et on a terminé avec Antena, avec la voix d'Isabelle Antena, qui nous chantait Achille sur Camino del Sol. Ça, c'est quand on parle de nos hits. On a une série de hits, Jean-Philippe, moi et d'autres amis. Et ça, ben, Antena s'en faisait partie. Camino del Sol, la pièce elle-même, et aussi Achilles, c'est vraiment des trucs qu'on a écoutés beaucoup. Isabelle Antena, au départ, c'était un trio. Je faisais de la bossa nova, aussi de la bossa nova, puis de la samba, du new jazz, puis de l'électropop aussi. Puis en 80, ils ont fondé le trio Antena. C'est ça, puis on en a écouté. En fait, il n'y en avait pas tant de produits, il n'y avait pas produit tant de trucs que ça. C'est juste qu'on les a écoutés souvent. Voilà. Et qu'est-ce qu'on s'en va voir maintenant? On s'en va du côté de John Baker. Suicide? You are fast losing your private identity. Information is being collected about you, and it's being recorded in the corporate memory, making up one big computerized gossip column that is unforgiving, unforgetful. And so it goes, every minute of every day. You're the mass man, the collective store of all that ever happened. The walls of your rooms are coming down. It's becoming a simple matter to wire and pick out of your homes your private, once solely personal life, and record it. Les paroles du pouvoir sorties des médias s'enfoncent dans nos mémoires et sèment le désarroi. Le règne du désespoir devient immédiat. On regarde sans rien dire le monde se mettre au pas. Où est-elle donc ma plage privée? Un jour on en a marre, on ouvre le débat. Ça se termine en bagarre, on ne nous écoute pas. On nous traite d'anarchistes, nous sommes les parias. Donc une idée en tête, ils veulent nous mettre au pas. Où est-elle donc ma plage privée? Bruxelles devient un soir une zone de combat. Le millénaire qui foire, le bourgmestre c'est baba. C'est la nuit de l'espoir où le monde est roi. Les flics sont ce soir-là les seuls qui marchent au pas. Où est-elle donc ma plage privée? Quand viendra la victoire, qui sait où l'on sera? Voiture, travail, villa, on ne la voudra pas. On aura le pouvoir, on se tiendra droit. On regardera de travers ceux qui ne marchent pas au pas. Je l'ai trouvé, ma plage privée. electric age is changing you. It is changing your family. It is changing your neighborhood. It's changing your education. It's changing your job. It's changing your government. It's changing your relationship to others. These little circuits are making our world go. The electric age is having a profound effect on us. We are in a period of fantastic change that's coming about at fantastic speed. Your life is changing dramatically, and you are numb to it. Saurais-je te reconnaître sous ton nouvel aspect et te différencier des formes incertaines aux contours irisés qui dérivent lentement tout autour de mes yeux? Mes palpes aux aguets, j'évolue sans un bruit parmi des glutes mappées d'improbables textures. Vie artificielle de ce logiciel pour le septième ciel. Il n'est pas un pixel qui échappe à ma vue, et au bout de chaque doigt j'ai un nouvel organe. Et quand enfin nous nous sommes reconnus, nous enclenchons ensemble une nouvelle procédure qui dure, qui dure, qui dure. L'entier n'est plus qu'une caresse qui parcourt le tien, ou du moins son ersatz. Puis nous nous transformons à notre fantaisie en anémone de mer, en serpent, en lapin. Tous les jeux sont permis et sans arrière-pensée, et nous donnons libre cours à l'imagination développée par nos vices libérés des virus, du moins de ceux qui tuent les amants qui s'amusent. À force de s'accoupler, nous engendrons des bugs. Mon écran droit décroche et l'image devient floue. Sous les coulées de sueur qui inondent mon casque, je tente malgré tout de garder le contact. Soudain je réalise que nous ne sommes plus seuls. Un petit moustachu et un enzyme glouton observent nos ébats avec satisfaction. Je reconnais Mario et son copain Pac-Man qui viennent se rincer l'œil et gâcher la partie. Tandis qu'autour de nous c'est la guerre des étoiles. Tu te souviens un peu tard que ton frère t'avait dit qu'il serait chez toi ce soir avec toutes ses disquettes. Et maintenant ce petit con doit être bien fier de lui. Il a tout fait rater, il a gâché la fête. On a la paix nulle part même quand on y est vraiment, caché dans les mémoires d'un banal disque dur. Qui dure, qui dure, qui dure. Young today want roles. They want total involvement now, rather than just fragmented, specialized jobs or goals. How can our youth look forward to a specialized job when the computer world of automation may eliminate that job? But it's the and files about the guy situation. Like spies in the wire, dark eyes in the wire. Like spies in the wire. Catch me, the lines are dancing like a moth. It's real faceless. Find a way, a special service. Keep it there, keep it harmless. Like spies, like spies in the wire. Dark eyes in the wire. Like spies in the wire. Technologies work us over completely. They are so permeating throughout in their personal, political, psychological, moral, ethical, and social consequences that they leave no part of us untouched. private lives. What had formerly been private life tends to become more and more corporate. Village is at once planet as wide as the planet and as small as a little town where everybody is maliciously engaged in poking his nose into everybody else's business. The global village is a world in which you don't necessarily have harmony. You have extreme concern with everybody else's business and much involvement in everybody else's life. It's a sort of Ann Landers column writ large. And doesn't necessarily mean harmony and peace and quiet, but it does mean huge involvement in everybody else's affairs. And so the global village is as big as the planet and as small as the village post office. Yeah, question is, do androids dream of electric sheep? Do androids dream of electric sheep? Electronic media creates reality. Electronic media creates your mind. Do androids dream of electronic sheep? This is Angel. This is Angel. We are the Android Sisters. Last night I watched the nightly news. Last night I watched the nightly news. Do you watch the nightly news? Do you watch it faithfully? Night after night after night. I watch it. I watch it. We watch the nightly news. But last night was different. Something happened. As I watched, I suddenly saw that my hands had become little hooves. My feet were little hooves. My nose was long. My nostrils were big. I had two furry ears. I was covered with wool. When I opened my mouth, out came ba ba, and the anchorman was saying blah blah, and I replied ba ba, and the anchor woman was saying blah blah, and I replied ba ba. Then I remembered, electronic media creates reality. Electronic media creates your mind. Do you watch the nightly news? Do you watch it faithfully? Night after night after. When they go blah, blah, blah, do you go ba, ba, ba? And you have the nerve to ask us, do androids dream of electronic sheep? And so we reply, yes, we dream of electronic sheep. We dream of you. USA. Live not in a modern suburbia, they live in bonanza land. One stage back, the Cartwright territory is a much more comfortable territory to live in than modern suburbia. That is, emotionally, it is much more gratifying and secure to live in bonanza land, and it is the old environment. Every time a new environment forms with a new medium, people go back and live in the old one. When the Cartwrights were actually running USA, say back in 1870, people weren't living on the frontier at all. They didn't live in Bonanza Land when Bonanza Land actually existed. They were living back in Jeffersonian democracy. Are you living in today's world? Voilà, c'est ainsi que se terminent les échangeurs d'air pour cette semaine. Dans le dernier bloc, nous avons eu d'abord John Baker's Baker Tapes, c'est sorti en 2008, Computers in Business, de John Baker Tapes, c'est le travail de John Baker lorsqu'il était à la BBC Radiophonic Workshop. Ça serait le fun d'avoir ce qui existe, un bon documentaire là-dessus. C'est ça, oui, semble-t-il. Alors, allez voir un documentaire sur le BBC Radiophonic Workshop. Il y a énormément de musiciens et de musiciennes extrêmement créatifs et créatives qui sont passés par là et qui ont fait un travail superbe pour meubler les émissions de la BBC. Polyphonic Size nous faisait, sur saison 79-82, Plage privée. Polyphonic, c'est un groupe belge de New Wave. Originaire de Bruxelles. Il y avait Roger Marc van den Voorde. Puis qui a d'autres? Jean-Jacques Burnel aussi. Il chantait en anglais, en français. parfois aussi en allemand ou en japonais. Remarquez que les Japonais aussi chantent souvent en anglais et en français. Il y en a plusieurs comme ça. Lefdup et Lefdup, avec Passive Attack, nous faisait sur six à moi des oreilles, oui. Data G Love, un extrait sorti par Jean-Philippe. Alors, Jérôme Lefdup, c'est un vidéaste, réalisateur, compositeur, qui travaille dans ce cas-ci avec son frère Denis Lefdup. J'aime ça comme nom, Lefdup. Est-ce que c'est son vrai nom, Lefdup? On ne sait pas. Mais si oui, j'aime beaucoup ça. Ils ont fait des Shadok, mytho-légendes, des documentaires donc sur des Shadok, sur Serge Gainsbourg, sur toutes sortes de choses. Et ils font de la musique ensemble, les deux frères Lefdup. Cabaret Voltaire sur Microphonies, de 84, nous faisait Spies in the Wires. Et tout ça à cause du décès de Richard H. Kirk, qui est arrivé hier. Cabaret Voltaire, eux aussi, ça vaut la peine de suivre leur histoire et d'aller lire sur eux. Le Cabaret Voltaire, c'est un café dadaïste situé à Zurich qui a donné le nom au groupe. Et ils ont eu plusieurs airs, un peu musique industrielle, musique électro-funk, ils ont fait du techno, ils se sont séparés, ils sont revenus en 2014, puis membre actuel, il y avait Richard H. Kirk, mais qui est décédé. Est-ce la fin de Cabaret Voltaire? Peut-être. Holger Zucker suivait avec sur l'album de Horsten Isroth, la pièce Das Massen Medium, c'est un extrait aussi. Holger Zucker, musicien très intéressant, né à Danzig à l'époque, qui est devenu Gdansk. C'est un hit. C'est du hit. Ensuite, on a eu Bank. Alors, c'est un truc que Jean-Philippe a sorti de je ne sais où, comme ça. Et nous avons terminé avec The Android Sisters sur The Best of The Android Sisters de 2004, Electronic Sheep. C'est sorti d'une série radiophonique dans laquelle il y avait un genre de podcast, finalement, des Android Sisters. Et on a fini par réunir tout ça pour en faire un disque. Et c'est ce qu'on vous a présenté ici. Et il y a beaucoup de bonnes choses sur The Android Sisters. Alors, quand je regarde, on est passé de Nino Rota à The Android Sisters, avec plein de choses entre les deux. Je pense que ça s'est bien passé et on se dit à la semaine prochaine.